L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte sur Fadjet d'une nouvelle école centre culturel à Nancy, son nom, le Muséion. Apolline Marie-Huin, bonjour. Bonjour. C'est vous qui portez ce projet que vous aviez déjà depuis longtemps en vous. Oui, en fait, c'est un projet que j'ai, si je dois être honnête, depuis toute petite. J'ai toujours rêvé d'avoir mon école à moi, d'écrire mes livres à moi, pour pouvoir y prodiguer un enseignement qui me plairait, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir eu des professeurs absolument fabuleux. Et j'ai eu envie de restituer un petit peu ça avec tout ce que j'ai la chance de savoir. Ça date depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est un projet qui mûrit réellement depuis un an et demi à peu près. Avant de découvrir un peu plus ce qu'on va y trouver, le nom Muséion, ça vient d'où ? Alors, le Muséion, en fait, au départ, donc c'est un nom grec, ça veut dire le temple des muses, tout simplement. Comme c'est un espace qui est dévolu à différents types d'art, notamment la rhétorique, l'écriture, on va dire, et puis la danse, j'ai trouvé que c'était plutôt un beau nom. Et d'autre part, le premier Muséion, avec un grand M de l'histoire, a été fondé à Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ, et avait cette vocation d'être un temple des muses, mais aussi un musée et un centre de partage, un centre culturel où les philosophes, les savants pouvaient se rencontrer pour parler de ce qu'ils savaient. Alors, les disciplines proposées au Muséion sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, y apprendre ? Alors, d'une part, il y a toute une dimension artistique, puisque je suis professeure de danse, et que j'aimerais que dans ce Muséion, il y ait mes cours de danse. Donc, une partie des cours de danse que je prodiguais déjà ont été déplacés d'une structure MJC jusque dans la structure Muséion hébergée par la MJC Pichon cette année. Donc, les cours de danse Tribal Fusion et des cours de danse tzigane, mais aussi des stages de danse orientale, tzigane, Tribal Fusion, et d'invités divers et variés, donc danse persane et d'autres types. Et en cours régulier, il va aussi y avoir tout un pan théorique avec des cours de mythologie qui étaient déjà dispensés à l'UCP et que l'UCP a bien voulu héberger dans le cadre du Muséion. Des cours d'acadien, donc ça c'est nouveau. L'acadien, c'est du babylonien assyrien. J'ai eu la chance d'entendre ça il y a quelques années à Paris, à l'ELCOA, département de l'ACATO à Paris, avec Florence Malbran-Labatte, qui était la spécialiste mondiale de l'acadien à l'époque. J'ai adoré cet enseignement et je veux vraiment pouvoir continuer à l'enseigner. Donc j'ouvre un cours cette année. Et en plus, je vais proposer des ateliers d'écriture, d'écriture poétique, mais aussi de contes. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de l'année, on puisse faire tout un pan d'écriture chorégraphique à partir de textes qui auraient été écrits, d'un point de vue écriture poétique, par exemple. Alors, vous avez cité l'UCP, Université de la Culture Permanente. C'est au sein de cette université que vous proposez ces services ? Alors, effectivement, les cours d'acadien et les cours de mythologie sont gracieusement hébergés par l'Université de la Culture Permanente. Les cours de mythologie sont encore proposés dans leur livret. Donc, il y a la cotisation à payer pour l'UCP, je crois, et puis une inscription au tarif UCP. Les cours d'acadien, par contre, c'est vraiment l'école qui le propose, même si c'est hébergé dans cette structure. Donc, les inscriptions sont à faire auprès de moi. Les cours d'écriture, par contre, les ateliers d'écriture sont dispensés au Bouclard, le petit bar-galerie qu'il y a rue Bazin. Donc ça donne une atmosphère un peu café littéraire, un petit peu plus cool quand même pour ce genre de choses. Alors si on veut retrouver toutes les infos, essayez de venir vous rencontrer, comment on fait ? Alors donc il y a ma page Facebook, muséion.apolline, à trouver assez facilement. Apolline comme Apollon, hein, Apollinaire, donc avec un seul P et deux L. Donc il y a ma page Facebook, il y a mon adresse internet, muséion.apolline@gmail.com. Et sinon, de toute façon, toutes mes coordonnées sont dispensées sur ma page Facebook, donc c'est très facile de me trouver normalement. Et puis on peut appeler la MJC Pichon ou l'UCP en cas de doute, et ils vous prodigueront mes coordonnées. Merci Apolline Marie-Huin, vous retrouverez bien sûr toutes les infos concernant le Muséion sur notre site internet www.fadjet.com. Rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.